Section 18. Livre 2, chapitre 31 à 35. Chapitre 31. Voyage au nord. Nous sommes en route pour Nikko, avec un temps couvert, quoique nous soyons qu'au 10 septembre. Mais le Pacifique n'a pas encore eu son troisième typhon annuel, et c'est la troisième venue de cette tempête qui nous donne sans doute ce temps incertain. Hier soir, il pleuvait à torrents. J'ai conservé l'interprète qui m'avait été si peu utile à Kamakura. J'espère qu'il se dégourdira et je tente une dernière expérience avant de le retenir pour la grande tournée que je projette à travers le Japon. Pour plus de sûreté, j'ai prié M. Sarrazin, élève de M. de Rosny, de vouloir bien se joindre à nous. Grâce à sa connaissance du japonais, il pourra contrôler les dires de l'interprète. Il m'a pourtant avoué que le japonais qu'on apprend à Paris n'est pas exactement celui qui se parle au Japon, par la bonne raison que ce pays, ayant été fermé aux Européens pendant plusieurs siècles, ce n'est que par voie de renseignements indirects que nos professeurs ont pu s'assimiler cette langue, si bien que le japonais officiel de nos cours publics ressemble au japonais réel, comme la langue des égyptologues doit ressembler à celle que l'on parlait du temps des Ramsès. En conséquence, M. Sarrazin est sagement venu au Japon pour compléter par une pratique, bien entendu, la science déjà considérable que lui a donnée l'École des langues orientales de Paris. Par surcroît de précaution, j'ai prié M. Durie de me donner un de ses élèves, le jeune Kondo, qui m'a déjà plusieurs fois servi d'interprète avec beaucoup de complaisance et d'intelligence. M. Durie, ancien consul de France à Nagasaki, avait fondé à Kyoto une école française pour les Japonais. Cette école très nombreuse était en pleine prospérité lorsque son fondateur fut appelé à la capitale pour enseigner le français à la grande école gouvernementale, le Kaisei Gakko. Cet avancement du professeur fut la perte de l'école française, qui fut remplacée sans protestation de la part de nos représentants par des cours d'anglais et d'allemand. M. Durie a conservé avec lui quelques-uns de ses anciens élèves qui sont certainement les meilleurs interprètes français qu'il y ait au Japon. Notre caravane se compose donc d'un dessinateur, de trois interprètes, d'un cuisinier japonais qui fait la cuisine à la française et de l'auteur de ses notes. À chaque voyageur, il faut une voiture et deux traîneurs. Ajoutons une voiture pour les bagages. En tout, 7 jinrikisha et 14 jinriki. Ce que constate le traité passé avec ses hommes de trait. Attestation du prix convenu, premièrement 75 cents sous, par homme et par jour. Deuxièmement, 37 cents et demi par jour de repos occasionné par la pluie. J'affirme ce qui est plus haut, septembre, 10e jour. Les jinriki de Seiyoken, nom de l'hôtel, en tout, 14 hommes. Et nous voilà partis avec une rapidité de bon augure. Laissant à gauche le parc de Ueno, nous suivons une rue interminable qui nous donne une nouvelle idée de l'importance de la capitale. Première halte à Takenotsuka pour laisser souffler nos hommes. Dans la cour de l'auberge, un arbre taillé en forme de bateau à voile fait l'admiration des voyageurs. Nous repartons pour ne nous arrêter qu'à Koshigaya, à l'heure du déjeuner. L'hôtel est sur le bord d'une rivière et nous espérons naïvement manger du poisson frais. Mais le service du poisson de mer est si bien organisé au Japon qu'on ne se donne plus la peine de pêcher dans les fleuves. Et pour le moment, la marée n'est pas arrivée. Sans s'ouvrir le ventre comme Vatel, ce qui du reste serait conforme aux idées japonaises, les cuisinières entreprennent une chasse au poulet dont l'issue me paraît douteuse. Une servante, installée sur le perron d'une petite chapelle shintoïste, lave le riz des jinriki. Voilà le picotin de nos coursiers assuré. Mais nous, il serait peut-être prudent d'avoir recours à nos provisions. En attendant qu'on nous ait confectionné un lunch quelconque, promenons-nous et observons. C'est notre rôle de voyageur. Visite à la cuisine. Tout est propre et engageant, mais cette multitude de fioles et de petits vases aux formes singulières, aux couleurs insolites, désigne plus une pharmacie qu'une cuisine. La dignité du maître queue, dosant les rations, rappelle plus un docteur qu'un marmiton. Ah mon Dieu, j'ai cru voir un homme qu'on venait de rouer de coups. Des plaques rouges, des zones bleues, on dirait un dos maculé de cicatrices. C'est tout simplement un portefeuille tatoué de dessins artistiques. Ce que nous indique un type de femme gracieusement pointillée au milieu du dos. En attendant que les poulets soient saisis ou que les boîtes de conserve soient ouvertes, une des jeunes filles qui doivent nous servir à déjeuner fume tranquillement sa pipe minuscule. Elle sourit en nous voyant passer et paraît vivement regretter de ne pouvoir nous faire comprendre les mots gracieux qu'il est de son devoir de nous adresser. Léo Guetta, qu'elle a à ses pieds, rappelle parfaitement les petits bancs des ouvreuses de loge. Dire que sous peine de rhumes incessants, il faudra nous chausser nous-mêmes de ces souliers incommodes, retardant le plus possible le moment de l'apprentissage. À table, ou du moins jetons-nous sur la natte de la chambre et mangeons à terre. Grandes émotions des servantes qui, pour la première fois de leur vie, voient du pain et considèrent de la confiture. Elles se font expliquer longuement la confection de ces aliments qui paraissent les stupéfier profondément. Et pour surcroît de démonstration, nous leur offrons des tartines. Elles acceptent en rougissant, examinant avec appréhension comme s'il s'agissait d'un fruit défendu, et ne peuvent se décider à donner le coup de dent fatal. Enfin, nous partons espérant que, à huis clos, loin des regards indiscrets, ces jeunes filles se résoudront à manger de la confiture sur du pain. Sans grands incidents, nous traversons Ogaza et nous arrivons à Saté où nous devons coucher. L'auberge est assez grande et l'on nous organise tout de suite des chambres en glissant des murs de papier dans les rainures qui sont ménagées au plafond et sur les nattes. À l'entrée, il faut traverser la cuisine qui est toujours en évidence sur la route comme pour attirer les chalands par l'odeur de navets pourris. À droite de la porte, en dedans, comme à Pompéi, une petite chapelle contient les dieux lards. Nos jinriki, fatigués d'une course de 10 heures, n'ont rien de plus pressé que de prendre le bain à l'antique composé d'une immersion brûlante et d'un lavage à l'eau froide. Cela me remémore ce détail d'un roman latin imité par l'auteur de Gil Blas. Dans le texte d'Apulée, les brigands, arrivant dans la caverne qu'ils habitent, ordonnent à la vieille servante de faire chauffer de l'eau pour le bain. Dans le texte de Lesage, le bain est supprimé. Les traîneurs japonais sont de l'école antique. Au bout de la maison, devant notre logement, est le jardin, petit et néanmoins pittoresque, la grande nature en diminutif. Tout cela est fort gracieux, mais les odeurs, vous savez, les fameuses odeurs caractéristiques des maisons japonaises. Et comme si l'on pouvait se tromper, comme si l'on n'était pas assez guidé par les effluves indicatrices, une infinité de déterminatifs signalent au voyageur le local qui peut lui être nécessaire. Un pied d'aralia en vedette, une coupe de bronze pleine d'eau, avec le léger simpulum reposant sur la clayette de jonc, suspendu au-dessus le tenogui bleu et blanc pour s'essuyer les doigts après l'ablution, et puis la petite haie de bambou fin destinée à protéger l'opérateur des regards étrangers. Enfin, sur le seuil sacré, 2 sandales de paille qu'on chausse avant d'entrer pour éviter tout contact immonde, précaution souvent inutile car ces endroits intolérables pour l'odorat sont d'une propreté presque luxueuse. Malgré ces inconvénients auxquels il faudra bien nous habituer, nous soupons gaiement et après le repas, Jiro, notre jeune cuisinier, m'offre un concert au samisen pendant que les servantes accrochent nos moustiquaires. Jiro est un virtuose car il joue faux. Il accompagne sa désagréable guitare d'un léger susurrement qui reproduit avec exactitude la mélodie fausse de son instrument. Quelquefois, l'enthousiasme lui fait élever la voix qui sort par le nez et par la gorge serrée. Il paraît fort heureux. Les interprètes sont sous le charme. Ils fredonnent avec l'exécutant, mais un peu moins bien, c'est-à-dire un peu plus juste. On voit bien la différence qui existe entre de simples amateurs et un véritable artiste. Après tout, quel est le peuple qui se trompe, les Asiatiques ou les Européens modernes, les Grecs de l'Antiquité ou les professeurs du conservatoire? Tandis que les nerfs surexcités, j'écoute les erreurs musicales de mon cuisinier, Régamet se promène dans les rues désertes à la recherche de silhouettes pittoresques. Chapitre 32. La route. Le matin, je suis réveillé par un bruit de démolition. On tape, on cogne, on enlève et la lumière envahit l'appartement. C'est la maison qu'on démonte. On supprime les volets de bois qui servent de murailles extérieures, on range dans les armoires les cloisons de papier, les servantes décrochent les moustiquaires, et sans avoir quitté notre couchette, nous nous trouvons en plein air, rafraîchis par le vent matinal qui vient de la campagne. Quelques minutes après, nous sommes en voiture et nos hommes, reposés par le sommeil, vont avec entrain. Halte à Karibashi. Régamet prend en note une lanterne de jardin. Tout est utilisé comme pittoresque, même les vieilles meules de moulins à bras, soit qu'elles soient rayées d'après le système moderne, soit qu'elles aient la forme d'entonnoirs renversés des meules arabes ou des meules romaines. Une rivière se présente, le Tanné, qu'il faut franchir sans pont. Elle n'est pas fort terrible pour le moment, on nous installe avec nos hommes et nos voitures dans un grand bac. Mais le bateau ne peut arriver jusqu'au bord opposé, et tout bagage et voyageurs est porté à dos d'homme. Nos jinriki font de cela une partie de plaisir. Ici, toute corvée semble une joie. De jolies japonaises qui font la traversée en même temps que nous s'accrochent gaiement au cou de nos porteurs et franchissent le pas difficile en écuyères peu rassurées. Le paysage devient grandiose. Les hautes montagnes volcaniques apparaissent à l'horizon. Sur la droite se développe le cône éteint de Tsukuba. Des arbres immenses bordent la route, plantés sur plusieurs rangs. Ça et là, des monuments religieux, des jardins de bonzeries et des villages que nous traversons avec la rapidité d'un train de banlieue. Cette grande hâte paraît étonner les habitants, car le voyageur japonais n'est pas d'ordinaire si pressé. Nous avons deux hommes par voiture. Il faut bien qu'ils gagnent leur argent en nous donnant de la vitesse, car nous remarquons que si deux jinriki sont nécessaires pour traîner un Européen, ordinairement un seul tireur mène au grand trot deux Japonais. À une halte, nous trouvons un jinriki retour de Nikko. Il est allé et revenu d'une seule traite pour une affaire pressée. Il aura fait 72 lieues en 48 heures avec sa voiture aux mains. À Komonowa, nous nous arrêtons pour considérer un beau gizo en bronze placé sur le bord de la route. Il faisait partie des dépendances d'un temple qui a brûlé il y a quelques années et dont il ne reste que les avenues de foi séculaires et les jardins sacrés dont les arbres énormes complètent l'ensemble d'incroyables grandeurs produits par les gigantesques matsu de la route. Quel rêve que ces chemins japonais! Plus loin, je remarque un autre Bouddha. Celui-là est mitré. C'est un Dainichi Niwarai, le plus distingué de tous les Bouddhas. Les maisons des hameaux que nous traversons sont ornées de grandes lanternes de papier garnies de caractères chinois. Il paraît que c'est en l'honneur de la fête des damnés. Oui, les damnés eux-mêmes ont ici leur petite réjouissance. Les auberges où nous nous arrêtons sont toutes construites sur le même modèle. La cuisine en tête, les appartements de distinction au fond donnant sur des jardins. Les murs sont souvent ornés de kakemono représentant des scènes religieuses ou historiques et de cadres contenant des pensées poétiques. Exemple, j'ai vu une belle lampe, s'écrit un poète, mais sa lumière m'a paru moins belle lorsque le corbeau m'a annoncé le jour. Ce qui nous apprend d'abord que c'est le corbeau ici et non le coq dont le chant précède l'aurore et ensuite qu'elle n'est si belle chose qui ne puisse être dépassée. Tout progrès fait pâlir le progrès qui l'a précédé. L'auteur de ce trait de génie a signé modestement l'élève qui demeure à l'endroit nommé ombre de l'arbre vert. La signature tient plus de place que l'œuvre. Sur les bords du chemin, les matsu contournés sont remplacés peu à peu par quatre rangs de cryptomérias immenses qui s'élancent droit comme des mâts de navire. La route assombrie et flanquée de forêts de grands bambous ressemble à une vaste cathédrale à trois nefs. Les voyageurs à pied, à cheval, en voiture, sont assez nombreux, et tous sont des pèlerins, qui profitent d'un moment où les récoltes les laissent tranquilles pour visiter le Japon et rendre hommage successivement à toutes les divinités tutélaires de la patrie. Le pays devient de plus en plus montagneux, et parfois, devant les maisons, court un petit torrent où les femmes lavent le linge du ménage. L'interprète m'a annoncé que nous coucherions à Otsunomiya, ville importante où eurent lieu les deux grandes batailles qui rendirent au Mikado la domination du Japon. Mais voilà qu'on nous arrête à Ishibashi et les jinriki nous annoncent qu'ils passeront la nuit là. L'endroit me paraît de médiocre importance et comme il y avait eu engagement d'arriver le second jour à Otsunomiya, je pense qu'il est bon d'être mécontent. J'en vois promener l'interprète qui s'en prend aux hommes, lesquels s'organisent en émeute. Chusuke et Kejiro, mes deux traîneurs, qui se sont un peu familiarisés avec moi, prennent la parole. Chusuke, grand, maigre, aux traits énergiques, paraît fort mécontent. Il déclare être révolté de mon manque de pitié pour des hommes harassés par 11 heures de course. La situation est embarrassante et je suis au fond tout à fait de l'avis de Chusuke. Kenjiro, jeune gaillard de 20 ans, veut aussi dire son mot. Mais comme il est dans sa nature de toujours rire, il détourne la tête en parlant pour cacher les sourires contradicteurs de ses paroles. Je commence à croire que tout cela n'est pas sérieux. Et malgré le beau discours d'un troisième Jinriki, dont je ne puis offrir le nom à la postérité par la raison que je l'ai oublié, je tranche ainsi la question. « Je ne veux pas donner d'ordre à ces hommes, dis-je à l'interprète, mais ils doivent voir eux-mêmes s'ils veulent tenir leurs engagements. » Cette noble réponse est traduite. Elle a pour effet de calmer instantanément ses révoltés. Touchés à l'endroit sensible, l'amour-propre, ils s'inclinent et déclarent que quand bien même ils devraient mourir à la peine, ils nous feront coucher ce soir à Utsunomiya. Chapitre 33. Conséquences de l'émeute. Alors qu'ils se frottent les membres avec de l'eau-de-vie, se mettent du sel cuisant sur les écorchures des pieds, se chaussent de sandales neuves, et comme pendant la discussion la nuit est arrivée, chacun se munit d'une longue lanterne blanche. Redevenus complètement gracieux, ils nous font signe que tout est prêt. Nous montons en voiture, et le cortège part en fendant la foule que tous ces incidents ont rassemblée. Les arbres de la route qui, pendant le jour, nous paraissent immenses, prennent à la lueur de nos lanternes des dimensions invraisemblables. Le regard qu'on jette au-dessus de sa tête voit les grands troncs s'élancer dans la nuit à une hauteur vertigineuse, et ses colonnes parallèles semblent ne pas avoir de fin et plonger dans l'immensité. Pour se donner du courage, les Jinriki poussent des cris rythmés, en se répondant les uns aux autres, comme font les bateliers du Nil. Leurs notes sonores retentissent en syncope sous la sombre voûte des cryptomérias. Ces clameurs, ces lumières, la vitesse de la course, l'énormité des arbres qui défilent, tout cela est étrange, impressionnant. Ces hommes nus qui s'agitent, des flammes à la main, et dont les silhouettes sombres dansent sur les gros troncs et voltigent dans les feuillages, cette course désespérée accompagnée de cris de possédés, ces plantations exotiques dont l'âge se perd dans l'histoire du Japon, l'obscurité, l'éclat, le bruit, voilà du fantastique digne d'une menée de sabbat. Enfin voici la ville. Mais les faubourgs n'en finissent pas. La nuit est déjà avancée et je commence à regretter d'avoir forcé nos hommes à continuer la route. Leur marche haletante et ralentie, leurs cris essoufflés et affaiblis, leurs pieds ensanglantés, leurs yeux creusés, leurs nez amincis et leurs bouches sèches me font vraiment craindre qu'ils ne tombent épuisés de fatigue et de douleur. Nous sommes arrivés. Mais l'hôtel est plein, il faut chercher ailleurs, et ces malheureux reprennent leur course à travers la ville. Second hôtel, pas de place. Nous continuons à errer dans les rues désertes. Enfin, nous trouvons une maison qui veut bien nous recevoir. Il est près de minuit. À peine sommes-nous installés qu'on introduit dans notre chambre un Japonais qui se confond en politesse. Il frappe à plusieurs reprises le sol de son front et n'avance qu'en rampant. C'est l'employé de la police, le préposé au passeport. Il vient s'informer si nous sommes en règle. L'interprète me paraît décidé depuis la révolte des Jinriki à jouer un personnage muet. Kondo s'étend sur la natte, moi aussi, et le rapport de la police se fait à quatre pattes. Il faut pourtant souper, mais nous n'en avons pas fini avec les indiscrets. Dans le couloir qui mène à notre appartement, je vois s'agiter à terre des ombres noires, quelque chose comme un troupeau de phoques. Les amphibies s'avancent peu à peu par soubresauts irréguliers et, arrivés sur le seuil, relèvent la tête. Ce sont nos Jinriki. Ils sont rasés de frais, ont revêtu leur kimono bleu foncé, vêtements de cérémonie pour les Koskaï. Les physionomies, toujours souriantes, sont graves néanmoins. Quelques plis du front contredisent le rictus de la bouche. C'est le Jinriki beau parleur qui fait le discours. À chaque période, il s'incline profondément et aspire entre ses dents. Chusuke opine du bonnet et dit son mot. La foule approuve et salue en même temps que l'orateur. Kenjiro se cache dans les coins et pouffe de rire à son habitude. Tout le monde se tient à genoux. Ce qu'ils demandent, parbleu, une bonne étrenne pour leur surcroît de fatigue. C'est trop juste, l'étrenne est donnée. Mais, encouragé par cette réussite, l'orateur veut faire un coup de maître et noblement il refuse le cadeau comme insuffisant. Alors l'affaire se gâte et je suis obligé de les envoyer promener, ce qui ne s'effectue pas sans quelques protestations. Kenjiro rit toujours, Kondo met en réserve le bakshish qu'ils seront bien heureux de retrouver demain. Nous allons donc enfin pouvoir dormir. Mais non, l'hôtel est plein de monde. C'est à grand-peine, en serrant des voisins déjà installés, qu'on a pu nous fabriquer des chambres toutes petites. Les murs de papier sont tout à fait insuffisants pour nous séparer des autres voyageurs, dont nous entendons les conversations, les rires et les ronflements. Il y en a même qui font de la musique, jouent du samisen et chantent. Il y a aussi des enfants qui pleurent. Si bien que, avant d'avoir fermé l'œil, nous sommes rappelés à notre devoir de voyageurs par les cris désagréables du corbeau matinal. Nos traîneurs semblent aussi dispos que s'ils n'avaient pas marché depuis 8 jours. Et nous partons, enfilant de nouveau les interminables avenues de Grand Cryptoméria. En route, nous nous arrêtons à Nakatokojiro pour admirer un arbre énorme de 10 mètres de circonférence de l'espèce appelée Kiaki. Sous son ombre, un petit temple de bois couvert de tuiles de pierre, d'un fort joli style, est consacré à Inari, le dieu des récoltes. Devant sont les débris de 2 renards en pierre, et dans l'intérieur, des ex-voto représentant 2 renards se regardant, l'un jaune, l'autre blanc. Ce sont les symbolismes du riz non décortiqué et du riz prêt à être mangé. D'autres ex-voto représentant un gâteau fait en forme de miroir japonais. C'est à la fois une offrande économique, la peinture permettant de supprimer le renouvellement journalier du gâteau, et un symbole, car le miroir dans la religion shintoïste est un emblème de pureté. Une petite cabane ouverte à tout vent contient un petit temple portatif et 2 hallebardes en bois. Le tout sert les jours de fête et figure dans les processions. À Ozawa, nous déjeunons. Nous sommes servis par un beau garçon de 16 ans qui a relevé son kimono dans sa ceinture pour être plus alerte. On dirait un jeune seigneur florentin du XVIe siècle qui aurait oublié de mettre son maillot de soie. La chambre où nous nous trouvons a servi au Mikado, se rendant à Nikko. Une inscription nous l'apprend. Elle n'a pourtant rien de bien luxueux. Le cabinet de toilette se compose d'une planche posée sur un ruisseau d'eau courante. 2 petits seaux de bois manœuvrant autour d'une poulie sont destinés à faciliter les ablutions. Le temps est lourd, il fait très chaud. Nous laissons nos hommes prolonger leur sieste, d'autant que nous sommes assurés de coucher ce soir à Nikko. Ils en profitent pour s'offrir des bains brûlants, graisser les roues de leur voiture, jouer aux échecs ou causer gaiement. Dans l'après-midi, nous repartons en suivant toujours la route pittoresque ornée de grands arbres. Parfois le chemin se creuse entre les avenues, les berges d'un vert vif sont constellées de fleurs rouges à 5 pétales que les Japonais appellent « roux ». Ce soubassement de gazon fleuri est surmonté par les immenses colonnades d'arbres verts dont les racines tourmentées et dénudées se tordent sur le bord de la route, tout comme dans une composition de Gustave Doré. Enfin, nous voilà à Suzuki, village qui précède les temples de Nikko. Le paysage d'un aspect sauvage ressemble au Jura. Les femmes sont roses et blanches comme des bourguignonnes. On avertit nos jinriki que le maire de l'endroit a pris un arrêté qui leur enjoint de se vêtir en entrant dans le village. Il paraît que les Anglaises et les Anglaises commencent à venir à Nikko en tournée de touristes et les ladies ont fait des plaintes au sujet de la tenue des traîneurs de voitures. En plein champ, cela n'a pas d'importance, mais quand il y a du monde, cela gêne les dames de penser qu'on les regarde, tandis qu'elles voient. Nos hommes ne se le font pas dire 2 fois. Prenant leur tenogui qu'ils avaient sur la tête, ils le nouent autour du cou et satisfont ainsi aux ordres du magistrat. Du reste, nous pouvons contempler Monsieur le maire lui-même, car c'est notre aubergiste. Il se présente dans notre appartement pour nous saluer en qualité d'hôte et nous demander nos passeports, en tant qu'officier public. Pendant qu'il prend nos signalements, Régamet, son crayon à la main, lui rend l'appareil. Il pleut. Pour ne pas nous mouiller les pieds, nous essayons des chaussures japonaises. Régamet et M. Sarrazin réussissent assez bien. Pour moi, après avoir manqué 2 ou 3 fois de me casser le cou, je renonce, vaincu par la douleur que me fait à la naissance de l'orteil la courroie de la sandale. Kondo est désolé de cet insuccès. Il m'assure que mon tabi, ce brodequin blanc qui ressemble à un gant de pied, est trop étroit. Je renonce néanmoins. Malgré la pluie, nous traversons le village fort garni de boutiques où l'on vend des objets en bois, spécialité du pays. Nous allons jusqu'au pont sacré, jeté sur un large torrent, mais nous remettons à demain la visite au temple. En revenant, nous passons devant l'autel de nos jinriki. Ils sont installés à une galerie du premier étage et ils font sécher à l'air vif leurs membres nus, enduits de saké. « Monsieur le maire, où êtes-vous avec votre arrêté ?» Chapitre 34 Légende sacrée. La montagne de Nikkō s'appelait autrefois Futahara-yama, la montagne des deux orages. Deux fois par an, des ouragans terribles s'élançaient de son sein d'une grotte, disait-on, et dévastaient les récoltes. Il est facile de retrouver là le souvenir des deux typhons de l'été et de l'automne, celui du printemps, moins terrible, arrivant avant que les semailles puissent être compromises. Cette montagne était inaccessible, recouverte de forêts impénétrables, entourée par des précipices et défendue par des torrents furieux. Shodo Shōnin fut, au 8e siècle, le saint Bruno de cette grande chartreuse. Deux fois il essaya de pénétrer dans ce pays splendide et sauvage, deux fois il échoua. À la troisième tentative, il arriva sur les bords d'un lac superbe, entouré de sites majestueux. Il y fonda un monastère où il installa de jeunes disciples, mais il voulait aller encore plus en avant et atteindre les sommets vierges que personne encore n'avait visités. De quelque côté qu'il se présenta, un torrent lui barrait le chemin. Alors il se souvint que, grâce à l'intervention divine, les missionnaires bouddhiques avaient traversé sans pont, sans barque, les fleuves les plus rapides, les torrents les plus escarpés. Il se rappela que le prêtre chinois, Genso Sanzo, à la recherche des livres sacrés de l'Inde, avait traversé la Gange, grâce à la complaisance du dieu Jinga Daio, le maître des serpents. Peut-être s'agit-il de Siva lui-même. Shodo invoqua Jinja et s'en trouva bien. En effet, le dieu apparut au milieu des nuages, tenant un serpent dans chacune de ses mains. L'un était rouge, l'autre vert. Les deux serpents, qui étaient, à ce qu'il paraît, de belle taille, furent placés sur le torrent à manière de pont. Mais le saint hésitait. Il n'était pas équilibriste. Alors une balustrade en jonc poussa rapidement sur le dos de chacun des animaux, un plancher sortit de leurs flancs et le saint passa. C'est en ce même endroit qu'il fit construire le pont qui mène à Nikkō et qui fut remplacé depuis par le superbe pont en lac rouge avec armature dorée qui existe encore. Arrivé sur la montagne, Shodo-ho fut reçu par les dieux de l'endroit qui, selon l'usage des personnes bien élevées au Japon, commencèrent par décliner leur nom, ce qui dura un certain temps, car l'un s'appelait Ohorirume Muchi no Mikoto. Le second se nommait Kotoshiro Nushino Mikoto, et le troisième était la déesse Tagorihime no Mikoto. Ces divinités, qui étaient shintoïstes, engagèrent vivement Shodo-ho à leur élever un temple sur la montagne. Shodo-ho était diacre bouddhique. Tolérant comme tous les bouddhistes, il ne fit aucune observation, éleva le temple, le consacra à Senju-kwannon, le Bouzat aux mille bras, et y donna accessoirement une place aux dieux de la montagne qui se déclarèrent satisfaits. Kobo Daishi, le missionnaire infatigable, dont on retrouve les traces à chaque point du Japon et même en Chine, où il alla, comme on retrouve du reste son influence dans les arts et la littérature, Kobo Daishi au 9e siècle vint à la montagne des deux orages, dont il changea le nom en celui de Nikkō-zan, la montagne des rayons solaires. Il la consacra à Dainiti, la grande lumière, le Niurai qui éclaire le prochain par la charité et la vertu. Le temple, qui appartenait à la secte Kegon, passa alors à la secte Singon. Il appartient maintenant à la secte Tendai, mais il tend à revenir au shintoïsme, qui est maintenant la religion officielle, et ses parties principales sont tout à fait affranchies du culte bouddhique. Aussi, les trois dieux locaux, qui eurent les premiers l'idée de sa fondation, doivent être de plus en plus satisfaits. L'un d'eux, Ohorirume Muchi no Mikoto, eut dans le temps maille à partir avec un autre dieu, Akagini Myōjin, qui habitait à 30 lieues de Nikkō. Voici ce qui était arrivé. Lorsqu'Amaterasu, la déesse soleil, descendit sur la terre, tous les dieux l'adorèrent excepté Akagini, qui avait de la fierté et n'aimait pas à y voir clair. Ohorirume Muchi no Mikoto trouva cela mauvais et entreprit une guerre contre Akagini qu'il força à se retirer dans son temple d'Akagni-yama. Apprenant un jour que Akagini avait réuni des partisans et s'apprêtait à reprendre les armes, Ohorirume Muchi no Mikoto saisit une des flèches qui ornait son sanctuaire et la lança dans la direction du sud. La flèche alla se planter dans la porte même de la chapelle d'Akakni, ce qui le dégoûta de toute espèce de tentative guerrière. Tous les ans, le miracle se renouvelle. On fait une grande procession et l'on monte au temple du dieu vainqueur. Là, le grand prêtre shintoïste lance une flèche qui va se ficher dans la porte du temple d'Akakni à 30 lieues de distance. Les habitants d'Akakni retirent la flèche et en profitent pour faire des gâteaux et se réjouir en l'honneur des dieux toujours présents. Ce qui prouve bien que c'est en cet endroit qu'eut lieu la guerre entre les dieux, c'est que, à Senjo-Gahara, endroit situé au sud de Nikko, on trouve des quantités d'armes en pierre dont se servaient les dieux, et particulièrement des pointes de flèches en silex finement travaillées. Parmi les nombreux prodiges dont le pays de Nikko a gardé le souvenir, on peut citer l'aventure qui s'est passée dans une petite vallée située au nord-ouest, appelée Somendani, la vallée du Macaroni, et voici pourquoi. Un des 36 anachorètes qui habitent constamment le pays depuis la fondation que fit Kobo Hidahashi de 36 ermitages, reçut un jour la visite d'un prêtre qui lui déclara avoir grand faim et lui demanda quelque chose à manger. L'anachorète venait justement de recevoir la provision de macaroni qui devait le nourrir pendant 6 mois. Rapidement, il en prépara un fort plat qu'il servit au prêtre. Celui-ci l'avala consciencieusement, mais assura, quand il eut fini, qu'il avait encore faim. Étonné de tant d'appétit, l'anachorète prépara un second plat qui fut englouti comme le premier sans arriver à rassasier le prêtre famélique. Mettant en pratique la charité bouddhique, le malheureux solitaire passa toute sa journée à préparer des plats de macaroni que le prêtre mangeait aussitôt. À 8 heures du soir, la provision était épuisée et le voyageur avait encore faim. Pourtant, il fut bien forcé d'arrêter là sa gloutonnerie et il se retira en remerciant beaucoup l'anachorète de sa grande complaisance. Ce dernier, fort intrigué, se mit à suivre son hôte et le vit entrer dans une chapelle où l'on adorait une statue en pierre de Jizo, le dieu qui sauve les âmes. Il entra aussi dans le sanctuaire et n'y trouva personne. La statue était à sa place habituelle, représentant, selon l'usage, le dieu couvert du vêtement de prêtre bouddhique, et le solitaire en conclut qu'il avait eu pour visiteur le Jizo de pierre qu'un violent appétit avait attiré chez lui. Mais qu'était devenue cette énorme quantité de macaroni absorbée par le dieu ? En s'en retournant, notre saint homme eut l'explication du phénomène. Car il trouva le chemin semé de paquets de macaroni pétrifiés dont la vallée est encore pleine à l'heure qu'il est. Cette anecdote veut-elle dire que Jizo, le dieu auquel on fait le plus d'offrandes, est toujours insatiable ? Ou veut-elle simplement expliquer la formation de ces pierres vermiculées qu'on rencontre dans les chemins de Nikko ? Quoi qu'il en soit, on peut voir que même au point de vue scientifique, les histoires religieuses de ce pays ne sont pas à dédaigner. La légende de la flèche d'Ohirume Nuchi no Mikoto nous indique une importante station préhistorique, et le miracle du Jizo glouton détermine une curieuse formation géologique. Chapitre 35. Temples et forêts. Ce n'est pas sur le pont laqué de rouge garni d'armatures dorées que nous traversons le torrent qui nous sépare de la montagne sainte. Ce pont ne sert qu'une fois par an pour donner passage à la grande procession qui accompagne le grand prêtre shintoïste au moment où il va lancer la flèche miraculeuse. Tout à côté est un autre pont beaucoup plus modeste qui est à l'usage des simples mortels comme nous. Au bout du pont, nous sommes en pleine forêt. Des arbres énormes se dressent devant nous et s'étagent en suivant les replis de la montagne. À gauche, une splendide avenue d'arbres verts monte en tournant. De larges marches placées de distance en distance facilitent l'ascension. Deux bonzes, vêtus de kimonos jaune pâle, gravissent le chemin. L'un est porteur d'un immense parasol, un coup de soleil à travers les arbres, et le tableau étouffé. Autre tableau, c'est un cortège qui descend. Une princesse vient de faire un pèlerinage à Nikko. Elle s'avance avec sa suite. Les femmes sont accroupies dans le léger kango de bambou et portées chacune par 2 hommes aux vêtements relevés et flottants. C'est, nous dit-on, la princesse Nabeshima, dont les ancêtres ont souvent fait d'importantes donations au temple de la montagne. En face du pont sacré est une petite chapelle shintoïste caractérisée par son petit arc de triomphe en bois, mais qui a néanmoins reçu des hommages bouddhiques, comme le prouvent les deux lions de pierre, emblèmes de la race des Sakya. Cette chapelle est dédiée au dragon du torrent, et je ne sais pourquoi on y dépose en ex-voto des éventails démontés, privés de leur goupille centrale. Des enfants jouent sur les marches de ce petit sanctuaire. Nous montons l'avenue tournante qui se déroule majestueusement sur les flancs de la montagne et nous arrivons à une autre avenue, toute droite, d'une grande largeur et bordée de berges en granit. Sur la droite est l'habitation de l'évêque bouddhique, puis une colonne de fer creux renfermant les principaux livres religieux qui parlent de la transmigration des âmes et des moyens de s'en affranchir. Cette colonne élevée en 1638 par Tenkai, de la secte Tendai, n'a pas la prétention d'être une bibliothèque commode à consulter. Elle est destinée, comme beaucoup d'objets saints du bouddhisme, à tenir lieu d'une lecture longue et compliquée. En effet, il suffit d'entendre le bruit des clochettes d'or qui l'ornent, ou d'en faire le tour, ou de marcher dans son ombre, pour être du coup affranchi d'une quantité de migrations pénibles. Même les animaux qui passent auprès, les oiseaux dont le vol l'entoure, où les êtres qui respirent le vent qui a touché la colonne sainte sont délivrés à jamais de la vie des trois mondes inférieurs. Premièrement, Jikoku, ou enfer proprement dit. Deuxièmement, Gaki, ou monde des êtres souffrant d'une faim permanente. Troisièmement, Chikusho, ou monde spécial des animaux. Ainsi voilà une hirondelle qui effleure en volant la colonne aux clochettes d'or. Et nous sommes assurés que, après sa mort, le gracieux volatile deviendra un être humain. Qui sait, peut-être une de ces Anglaises, à l'humeur voyageuse, qui reviendra, la lorgnette en sautoir, s'étonner des choses bouddhiques qu'on trouve à Nikko. En attendant, la visite des touristes est prévue par une notice en anglais de fantaisie et un avis en français international. Notice. All persons are prohibited from entering the temple grounds on horseback and in carriages, from catching birds and fishes on these premises, from cutting any of the bamboos or trees of any kind. Crobucho. Avis, il est défendu entrer dans l'enceinte du temple à cheval ou en voiture, d'attraper dans cette enceinte oiseaux ou poisson. Kyobusho. À l'entrée du temple principal, il y a une vaste place entourée d'avenues en étoiles comme à Versailles. Ces larges chemins percés à travers la futaie immense se perdent dans la forêt et laissent entrevoir çà et là les toits crochus des temples brillants et les tours chinoises dont les 5 étages superposés ne peuvent atteindre la moitié des grands arbres qui les abritent. Après avoir passé sous un immense torii en pierre, nous entrons dans une première cour. Quelques marches nous amènent dans une seconde cour, entourée d'arbres colossaux et meublée de lanternes de pierre, dont que faisaient au tombeau d'Ieyas les grands seigneurs au moment où ils entraient en possession de leur fief. Cet usage avait été établi par Iemitsu, le constructeur des beaux temples que nous allons voir. Ce shogun se préoccupait beaucoup des rapports qui devaient exister entre lui et les seigneurs. Ainsi, sa malle de voyage était ornée des armoiries de tous les nobles du Japon. À côté de chaque « mon » était écrit en petits caractères la distance de la seigneurie de la capitale et la quantité de riz que produisait le domaine féodal. De cette manière, le shogun ne pouvait s'habiller lorsqu'il parcourait le pays sans être parfaitement au courant des ressources des grands qui l'entouraient et des facilités qu'il pouvait avoir à faire entrer les impôts. Cette fameuse malle existe encore. Elle doit être à nous, comme dit Bilboquet, car elle fait partie de notre collection. La cour se termine par des balustrades de pierre qui dominent les profondeurs. On monte encore et l'on s'engage dans une succession de cours, de terrasses, de jardins, de temples et de futaies, superpositions indéfinies qui vous ménagent une surprise à chaque pas et vous font passer par un crescendo de beautés accumulées, par une savante combinaison des splendeurs de la nature et des chefs-d'œuvre des architectes japonais. À travers cet entassement de merveilles, le visiteur éprouve une sorte de vertige. Il y a un moment où l'on se demande quand va finir la série des étonnements. quand va finir la série des ascensions. Il semble que c'est au ciel que tout cela va aboutir, et les pèlerins impressionnés peuvent de bonne foi se croire en route pour le paradis. Fin de la section 18.